arriver. Salut tout le monde, vous écoutez Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu et je serai avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vais vous faire jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Et on a commencé l'émission avec les Partisans de leur album éponyme, la chanson Street Guns, excellente chanson, super, un excellent groupe et un excellent album. Le groupe Partisan n'existe malheureusement plus. Ça fait déjà depuis environ 10 ans. Là. Alors, ça fait... le temps de deuil est passé, mais ils nous ont laissé avec quand même avec plusieurs excellents albums. Alors, en parlant d'excellents albums et de classiques, je vais vous... vont continuer maintenant avec un autre groupe qu'on aime bien ici à Sous Pression. Banlieue Rouge, de leur premier album, En attendant demain, la chanson À l'Est de Berlin. Alors, voici Banlieue Rouge à Sous Pression. We'll be right back. Alors, bonjour tout le monde, vous êtes de retour à Sous Pression, zone CHRY, 105.5 FM à Toronto et le CVR, 103.5 FM à Yellowknife. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu et je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je fais jouer du punk, ska, du hardcore, tout en français. Dans le dernier bloc, on écoutait du banlieue rouge de leur premier album, En attendant demain, la chanson À l'Est de Berlin, En attendant demain, leur premier album sorti en 89, je crois. Alors, ça fait déjà assez longtemps, mais c'est sûrement... Certainement un groupe, un album classique dans le punk québécois. Et en parlant de punk québécois, Les Esclaves Salariés, après ça, avec Quand meurent les légendes de leur album Ça augure mal, sorti sur Fire and Flames. Ça aussi, ça fait quelques années déjà que c'est sorti. Esclaves Salariés ont vu le jour pendant, tu sais, début des années... Ben, pour la plupart des années 2000, c'est la première décennie des années 2000. Et ils se sont séparés, je crois, au début de l'année 2010, malheureusement. Mais ils nous ont laissé quand même de la bonne musique. Et on vient d'écouter Hard Times. En parlant de groupes qui se séparent, Hard Times ont fait leur dernier concert le 26 novembre en France, à Paris. Et alors, leur souhaite très bonne chance dans leur projet futur. La chanson qu'on a écoutée, c'est de l'album dont le titre est un peu trop vulgaire pour prononcer en onde. La chanson s'appelle « Demain m'appartient », d'un excellent album par un excellent groupe. Je vous le suggère fortement si vous pouvez aller vous procurer de leur matériel. Et surtout maintenant que le groupe n'existera plus dès le 26 novembre, ce sera peut-être pas plus difficile à se poigner, mais... disons, des albums un peu plus souhaités, désirés par ceux qui collectionnent les disques. En tout cas, j'arrête de parler, là, puis je continue en musique avec Bonne Journée, un groupe aussi qui s'est séparé récemment, fait leur dernier concert. Bonne Journée de leur album Vous souhaite une, la chanson Les Punks nous aiment pas ici à Sous Pression. Yeah. l'or et les bons pour la sécu. Au contraire, je dis laissez-moi crever. Vous me verrez bientôt, mais jamais en ressuscité. Je les souris, je mets souffrance pour mieux exploser. J'occupe les échéances pour mieux vous faire sauter. Malade je suis, malade je reste. À satisfait de moi et de tout le reste. Je refuse de céder à la guérison. Face en terre en ma liberté. Maintenant je suis seul, j'ai un Alors, de retour ici à Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM, FM à Yellowknife. On a écouté plein de chansons dans le dernier bloc. C'était un bloc un peu long, mais alors, faire un petit retour vite fait. Bonne journée. On a commencé avec Bonne journée, la chanson Les Punks nous aiment pas de leur album Vous souhaite une. L'équipe rappelait ça avec Noircir de leur tout nouveau EP. Déclaré forfait. Zabriskie Point avec Losing Wind, Scuds and Panic People avec Pour nos frères, tiré de leur album Lâcher les bombes. Les Ordurianuk après ça avec Héritage, Les Bonariens avec Dans le silence. Ensuite, on a écouté du Red Viler avec L'ennemi commun de leur album Bordeaux Sang. Les Vulgaires Machins après ça avec Cocainoman et on vient de terminer avec La Gâchette et Attention à toi de leur album Quoi qu'il advienne. Et La Gâchette est rentrée en studio pour enregistrer des nouvelles chansons, alors j'ai vraiment hâte d'entendre du nouveau matériel, je suis certain que ça sera excellent. Alors, il nous reste une couple de minutes ensemble, temps de faire jouer une couple de chansons. Je pense que je vais peut-être faire jouer du ska dans le dernier bloc, avant de se quitter, qu'on se quitte pour une autre semaine. Mais avant de quitter, je veux vous rappeler que vous pouvez visiter le site web de l'émission, c'est le www.souspression.wordpress.com, c'est le www.souspression.wordpress.com. Vous pouvez aussi nous contacter par courriel, c'est souspression@chry.fm, le souspression@chry.fm. Et on a une présence sur Facebook, alors facebook.com/souspression, on met des liens vers des sites intéressants sur le site Facebook et sur le site de l'émission. Vous pouvez écouter l'émission en ligne, télécharger ça gratuitement. Alors, ça, je vais vous laisser avec une dernière chanson, un dernier bloc, un peu plus ska, avec les Frelons, l'Escalope et le 8-6 Crew, et je pense que je vais terminer avec une chanson par les Parias de leur album Foutu Merdi Rengaine. Mais en attendant, voici les Frelons avec Tous les matins de leur album Mouvement Non-Stop. Alors, prenez soin de vous, passez une excellente semaine, et on se revoit la semaine prochaine. qui me monte au front pour trouver toutes ces petites paroles qui échappent à mon stylo. Quand j'y pense, quand j'y pense, quand j'y pense, j'ai la sueur qui me coule dans le dos. Je saisis mon mot, la parole, mais il reste comme lettre morte. See? fête.